un assassin doit avoir de très bons pieds. Mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Il lui faut aussi de la rapidité. Mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Car ce qu'il doit avoir et surtout, c'est de la tactique dans la pratique. Comme la montre à son tic-tac, Altaïr a sa tactique. Attendez un peu que je vous explique. La tactique d'Altaïr, c'est d'assassiner sans se faire remarquer. La tactique d'Altaïr, c'est d'avoir avant tout les yeux en face des trous. La diable au corps, allez, allez, elle est devenue fou. Allez, allez, qu'est-ce qu'il lui prend? Allez, allez, je connais le métier. La tactique d'Altaïr, c'est d'interroger avec autorité. Il y a ceux qu'emmerdent des moines et les gens, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Faut courir après tous les Templiers, mais ce n'est pas tout, mais c'est pas tout. Les gens disent, oh les assassins, quand on a besoin d'eux, ils ne sont jamais là. Je réponds des tac au tac, car procéger ma tactique. Attendez un peu que je vous explique. La tactique d'Altaïr, c'est de les espionner sans se faire repérer. La tactique d'Altaïr, c'est d'être efficace en volant de la paperasse. Y'a le diable au corps, allez, allez, il est devenu fou. Allez, allez, qu'est-ce qu'il lui prend? Allez, allez, je connais le métier. La tactique d'Altaïr, c'est d'être maintenant à cheval sur le règlement. La diable au corps, allez, allez, il est devenu fou. Allez, allez, qu'est-ce qu'il lui prend? Allez, allez, je connais le métier. La tactique d'Altaïr, c'est d'être maintenant à cheval sur le règlement.